« Madame, dit-elle en revenant à la baronne et lui parlant d'une voix pleine de respect, vous devez me pardonner. Aussitôt que j'ai eu le duc d'Hérouville pour protecteur, je vous ai renvoyé le baron, en apprenant qu'il ruinait pour moi sa famille. Que pouvais-je faire de plus? Dans la carrière du théâtre, une protection nous est nécessaire à toutes au moment où nous y débutons. Nos appointements ne soldent pas la moitié de nos dépenses. Nous nous donnons donc des maris temporaires. Je ne tenais pas à M. Hulot, qui m'a fait quitter un homme riche, une bête vaniteuse. Le père Crevel m'aurait certainement épousée. Il me l'a dit, fit la baronne en interrompant la cantatrice. Eh bien, voyez-vous, madame, je serais une honnête femme aujourd'hui, n'ayant eu qu'un mari légal. Vous avez des excuses, mademoiselle, dit la baronne. Dieu les appréciera. Mais moi, loin de vous faire des reproches, je suis venue, au contraire, contracter envers vous une dette de reconnaissance. Madame, j'ai pourvu, voici bientôt 3 ans, aux besoins de monsieur le baron. Vous, s'écria la baronne, à qui des larmes vinrent aux yeux. Ah, que puis-je pour vous? Je ne puis que prier. Moi et monsieur le duc d'Hérouville, reprit la cantatrice. Un noble cœur, un vrai gentilhomme. Et Josepha raconta l'emménagement et le mariage du père Toul. Ainsi, mademoiselle, dit la baronne, mon mari, grâce à vous, n'a manqué de rien. Nous avons tout fait pour cela, madame. Et où se trouve-t-il? Monsieur le duc m'a dit, il y a 6 mois environ, que le baron, connu de son notaire sous le nom de Toul, avait épuisé les 8 000 francs qui devaient n'être remis que par parties égales de 3 en 3 mois, répondit Josepha. Ni moi, ni monsieur d'Hérouville, nous n'avons entendu parler du baron. Notre vie à nous autres est si occupée, si remplie, que je n'ai pu courir après le père Toul. Par aventure, depuis 6 mois, Bijou, ma brodeuse, sa... comment dirais-je... sa maîtresse, dit madame Hulot. Sa maîtresse, répéta Josepha, n'est pas venue ici. Mademoiselle Olympe Bijou pourrait fort bien avoir divorcé. Le divorce est fréquent dans notre arrondissement.